Le groupe russe pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a lancé le 29 septembre une déclaration qui soutient le renforcement de la dissuasion nucléaire de notre République.